Exercice 4, page 37. A. C'est un banc. C'est un vieux banc. B. C'est un bureau. C'est un beau bureau. C. C'est un tabouret. C'est un petit tabouret. D. C'est une blouse. C'est une blouse noire. E. C'est une chemise. C'est une chemise jaune. F. C'est une mini-jupe. C'est une mini-jupe grise.